Règle 14e. La même règle doit s'appliquer à l'étendue réelle des corps, et il faut la représenter tout entière à l'imagination, au moyen de figures nues. De cette manière, l'entendement la comprendra bien plus distinctement. Pour nous servir aussi du secours de l'imagination, il faut remarquer que toutes les fois que nous déduisons une chose inconnue d'une chose qui nous était connue auparavant, nous ne trouvons pas pour cela un être nouveau, mais seulement la connaissance que nous possédions s'étend au point de nous faire comprendre que la chose cherchée participe d'une façon ou d'une autre à la nature des choses que contiennent les données. Ainsi, il ne faut pas espérer pouvoir jamais donner à un aveugle de naissance des idées vraies sur les couleurs, telles que nous les avons reçues des sens. Mais soit un homme qui ait vu quelquefois les couleurs fondamentales et jamais les couleurs intermédiaires et mixtes, il se peut faire que par une sorte de déduction, il se représente celle qu'il n'a pas vue par leur ressemblance avec les autres. De même, si l'aimant contient une espèce d'être auquel notre intelligence n'a jusqu'à ce jour perçu rien de semblable, il ne faut pas espérer que le raisonnement nous la fera connaître. Il nous faudrait ou de nouveaux sens ou une âme divine. Mais tout ce que l'esprit humain peut faire en ce cas, nous croirons l'avoir atteint quand nous aurons perçu distinctement le mélange d'êtres ou de matières déjà connues, qui produisent les mêmes effets que l'aimant développe. Or, tous les êtres déjà connus, tels que l'étendue, la figure, le mouvement, et tant d'autres, que ce n'est pas ici le lieu d'énumérer, sont dans les divers sujets connus par une seule et même idée. Et qu'une couronne soit d'or ou d'argent, cela ne change rien à l'idée que nous avons de sa figure. Cette idée générale passe d'un sujet à un autre par une simple comparaison, par laquelle nous affirmons que l'objet cherché est sous tel ou tel rapport semblable, identique ou égal à une chose donnée, tellement que dans tout raisonnement, nous ne connaissons précisément la vérité que par comparaison. Ainsi, dans ce raisonnement, tout A est B, tout B est C, donc tout A est C. On compare ensemble la chose cherchée et la chose donnée A et C, sous ce rapport, savoir que A et C sont B. Mais comme, ainsi que nous l'avons souvent répété, les formes et syllogismes ne servent de rien, pour découvrir la vérité des choses, le lecteur profitera, si les rejetant complètement, il se persuade que toute connaissance qui ne sort pas de l'intuition pure et simple d'un objet individuel dérive de la comparaison de deux ou de plusieurs entre eux. Et même presque toute l'industrie de la raison humaine consiste à préparer cette opération. Quand en effet la comparaison est simple et claire, il n'est besoin d'aucun secours de l'art, mais de la seule lumière de la nature, pour percevoir la vérité qu'elle nous découvre. Or, il faut noter que les comparaisons sont dites simples et claires seulement quand la chose cherchée et la chose donnée participent également d'une certaine nature, que les autres comparaisons n'ont besoin de préparation que parce que cette nature commune ne se trouve pas également dans l'une et dans l'autre, mais selon des rapports ou des proportions dans lesquelles elle est enveloppée. Et qu'enfin, la plus grande partie de l'industrie humaine ne consiste qu'à réduire ses proportions à un point tel que l'égalité entre ce qui est cherché et quelque chose qui soit connu apparaisse clairement. Il faut noter ensuite que rien ne peut être ramené à cette égalité, que ce qui comporte le plus ou le moins, et que tout cela est compris sous le nom de grandeur, de telle sorte que quand d'après la règle précédente, les termes de la difficulté sont abstraits de tout sujet, nous comprenons que toute la question ne roule plus que sur des grandeurs en général. Mais pour imaginer ici encore quelque chose et nous servir non de l'intelligence pure, mais de l'intelligence aidée des figures peintes dans l'imagination, nous remarquons qu'on ne dit rien des grandeurs en général, qui ne puissent se rapporter à chacune d'elles en particulier. De là, il est facile de conclure qu'il ne nous sera pas plus utile de transporter ce que nous connaîtrons des grandeurs en général à cette espèce de grandeur particulière, qui se représentera le plus facilement et le plus distinctement dans notre imagination. Or, que cette grandeur soit l'étendue réelle d'un corps, abstraite de tout ce qui n'est pas la figure, c'est ce qui résulte de ce que nous avons dit dans la règle 12e, où nous avons montré que l'imagination elle-même, avec les idées qui existent en elle, n'est autre chose que le véritable corps réel, étendu et figuré, ce qui est évident par soi-même, puisque toutes les différences de position ne paraissent plus distinctement en aucun autre sujet. En effet, quoi qu'on puisse dire d'une chose, qu'elle est plus ou moins blanche qu'une autre, d'un son qu'il est plus ou moins aigu, et ainsi du reste, nous ne pouvons cependant exactement définir si cet excès est en proportion double ou triple, sinon par une analogie quelconque à l'étendue du corps figuré. Qu'il reste donc certain et arrêté que les questions parfaitement déterminées contiennent à peine d'autres difficultés que celles qui consistent à trouver la mesure proportionnelle de l'inégalité. Que toutes les choses où se trouve précisément une telle difficulté peuvent facilement et doivent être séparées de tout autre sujet et se transporter à l'étendue et aux figures, dont à cause de cela nous traiterons exclusivement jusqu'à la règle 25e, en laissant de côté toute autre pensée. Je désirerais ici un lecteur qui n'eût de goût que pour les études mathématiques et géométriques, quoique j'aimasse mieux qu'il n'y fût pas versé du tout qu'instruit, d'après la méthode vulgaire. En effet, l'usage des règles que je donnerai ici, et qui suffit pour les apprendre, est bien plus facile que dans toute autre espèce de question, et leur utilité est si grande pour acquérir une science plus haute que je ne crains pas de dire que cette partie de notre méthode n'a pas été inventée pour résoudre des problèmes mathématiques, mais plutôt que les mathématiques ne doivent être apprises que pour s'exercer à la pratique de cette méthode. Je ne supposerai de ces études que ce qui est connu par soi-même et se présente à chacun. Mais la connaissance que les autres en ont, encore bien qu'elle ne soit gâtée par aucune erreur évidente, est cependant obscurcie par des principes équivoques et mal conçus, que nous tâcherons par la suite de corriger, à mesure que nous les rencontrerons. Nous entendons par étendue tout ce qui a de la longueur, de la largeur et de la profondeur, sans rechercher si c'est un corps véritable ou seulement un espace. Et cela n'a pas besoin de plus d'explications, puisqu'il n'est rien que notre imagination perçoive plus facilement. Mais comme les savants usent souvent de distinctions tellement subtiles qu'ils troublent les lumières naturelles et trouvent des ténèbres même dans les choses que les paysans n'ont jamais ignorées, il faut les avertir que, par étendue, nous ne désignons pas quelque chose de distinct ni de séparé d'un sujet, et qu'en général nous ne reconnaissons aucun des êtres philosophiques de cette sorte, qui ne tombe pas réellement sous l'imagination. Car encore, bien que quelqu'un puisse se persuader qu'en anéantissant tout ce qui est étendu dans la nature, rien ne répugne à ce que l'étendue seule existe par elle-même, il ne se servira pas pour cette conception d'une idée corporelle, mais de sa seule intelligence, portant un faux jugement. Il le reconnaîtra lui-même, pourvu qu'il réfléchisse attentivement à cette image même de l'étendue, qu'il s'efforcera alors de se représenter dans l'imagination. Il remarquera en effet qu'il ne l'aperçoit pas, abstraction faite de tout sujet, mais qu'il l'imagine tout autrement qu'il ne la juge, de telle sorte que tous ces êtres abstraits, quelque opinion qu'ait d'ailleurs l'intelligence sur la vérité de la chose, ne se forment jamais dans l'imagination séparée de tout sujet. Mais comme désormais nous ne ferons plus rien sans le secours de l'imagination, il faut distinguer avec soin sous quelle idée chaque mot doit se présenter à notre intelligence. Aussi nous proposons-nous d'examiner ces trois manières de parler. L'étendue occupe le lieu, tout corps a de l'étendue, l'étendue n'est pas le corps. La première montre comment l'étendue se prend pour ce qui est étendu. En effet, je conçois tout à fait la même chose quand je dis « l'étendue occupe le lieu » que si je disais « l'être étendu occupe le lieu ». Et il n'en résulte pas cependant qu'il vaille mieux, pour éviter l'équivoque, se servir du mot « l'être étendu ». Il n'exprimerait pas aussi distinctement l'idée que nous concevons, savoir qu'un sujet occupe le lieu parce qu'il est étendu. Et peut-être pourrait-on entendre que l'être étendu est un sujet qui occupe le lieu, tout comme quand je dis qu'un être animé occupe le lieu. Cela explique pourquoi nous avons préféré dire que nous traiterions de l'étendue, extensionné, plutôt que de l'être étendu, de extenso. Encore bien que nous pensions que la première ne doit pas être comprise autrement que comme l'être étendu. Passons à ces mots, tout corps a de l'étendue, où nous comprenons qu'étendu veut dire quelque autre chose que corps, sans cependant que nous formions dans notre imagination deux idées distinctes, l'une d'un corps, l'autre de l'étendue, mais simplement une seule, celle d'un corps étendu. Au fond, c'est comme si je disais « tout corps est étendu » ou plutôt « ce qui est étendu ». Et c'est un caractère particulier à tout ce qui n'existe que dans un autre et ne peut jamais être conçu sans un sujet caractère qui ne se retrouve pas dans ce qui se distingue réellement du sujet. Ainsi, quand je dis « Pierre a des richesses », l'idée de Pierre est tout à fait différente de celle de richesse. De même, quand je dis « Paul est riche », je m'imagine tout autre chose que quand je dis « Le riche est riche ». Faute de faire cette différence, la plupart s'imaginent faussement que l'étendue contient quelque chose de distinct de ce qui est étendu. De même que les richesses de Paul sont autre chose que Paul. Enfin, si on dit « l'étendue n'est pas un autre corps », le mot d'étendue se prend d'une toute autre manière que plus haut, et dans ce sens, aucune idée ne lui correspond dans l'imagination. Mais cette énonciation part tout entière de l'intelligence pure, qui seule a la faculté de distinguer les êtres abstraits de cette espèce. C'est là pour beaucoup de gens une cause d'erreur. Car sans remarquer que l'étendue prise en ce sens ne peut être imaginée, il s'en représente une idée réelle. Et cette idée, impliquant nécessairement la conception d'un corps, s'ils disent que l'étendue ainsi conçue n'est pas un corps, ils s'embarrassent sans le savoir de cette proposition, que la même chose est à la fois un corps et n'en est pas un. Aussi, il est d'une grande importance de distinguer les énoncés dans lesquels les noms de cette espèce, étendue, figure, nombre, surface, ligne, point, unité, ont une signification si exacte qu'ils excluent quelque chose dont dans la réalité ils ne sont pas distincts. Par exemple, quand on dit l'étendue ou la figure n'est pas un corps, le nombre n'est pas la chose comptée. La surface est la limite d'un corps. La ligne de la surface, le point de la ligne, l'unité n'est pas une quantité. Toutes propositions qui doivent être éloignées de l'imagination, quelle que soit leur vérité, aussi ne nous en occuperons-nous pas dans la suite. Il faut remarquer soigneusement que dans toutes les autres propositions dans lesquelles ces noms, tout en gardant le même sens et étant employés abstraction faite de tout sujet, n'excluent cependant ou ne nient pas une chose dont ils ne sont pas réellement distincts, nous pouvons et nous devons nous aider du secours de l'imagination. Parce que, encore bien que l'intelligence ne fasse précisément attention qu'à ce que désigne le mot, l'imagination cependant doit se figurer une image vraie de la chose, afin que s'il en ait besoin, l'intelligence puisse se reporter sur les autres conditions que le mot n'exprime pas, et ne croit pas imprudemment qu'elles ont été exclues. Est-il question de nombre ? Nous imaginerons un sujet quelconque, mesurable par plusieurs unités. Et quoique l'intelligence ne réfléchisse actuellement qu'à la seule pluralité, il nous faudra prendre garde que dans la suite elle ne conclue quelque chose qui fasse supposer que la chose comptée était exclue de notre conception, comme font ceux qui attribuent au nombre des propriétés mystérieuses, pure frivolité, auxquelles ils n'attribueraient pas tant de foi, s'ils ne concevaient pas le nombre comme distinct des choses comptées. De même, si nous traitons de la figure, nous penserons que nous nous occupons d'un sujet étendu, conçu sous ce rapport qu'il est figuré. Si c'est d'un corps, il faut penser que nous l'examinons en tant que long, large et profond. Si c'est d'une surface, en tant que longue et large, à part la profondeur mais sans la nier. Si c'est d'une ligne, en tant que longue seulement. Si c'est d'un point, nous abstrairons tous les autres caractères. Si ce n'est qu'il est un être. Tout cela est ici très développé. Mais les hommes ont tant de préjugés dans l'esprit que je crains encore qu'un petit nombre seulement soit ici à l'abri de toute erreur, et qu'on ne trouve l'explication de ma pensée trop courte malgré la longueur du discours. En effet, l'arithmétique et la géométrie elles-mêmes, quoique les plus certaines de toutes les sciences, nous trompent cependant en ce point. Quel est le calculateur qui ne croit pas devoir non seulement abstraire ces nombres de tout sujet par l'intelligence, mais encore les en distinguer réellement par l'imagination ? Quel géomètre n'obscurcit pas malgré les principes l'évidence de son objet quand il juge que les lignes n'ont pas de largeur, ni les surfaces de profondeur, et qu'après cela il les compose les unes avec les autres sans songer que cette ligne, dont il conçoit que le mouvement engendre une surface, est un corps véritable, et que celle au contraire qui manque de largeur n'est rien qu'une modification du corps, etc. Mais pour ne pas nous arrêter trop longtemps sur ces observations, il sera plus court d'exposer de quelle manière nous supposons que notre objet doit être conçu, pour démontrer à cet égard le plus facilement qu'il nous sera possible tout ce que l'arithmétique et la géométrie contiennent de vérité. Nous nous occupons donc ici d'un objet étendu, sans considérer en lui rien autre chose que l'étendue elle-même, et nous abstenons à dessein du mot « quantité » parce que les philosophes sont assez subtils pour distinguer aussi la quantité de l'étendue. Nous supposons que toutes les questions en sont venues au point qu'il ne reste plus à chercher qu'une certaine étendue, que nous connaîtrons en la comparant à une autre étendue déjà connue. En effet, comme ici, nous ne nous attendons à la connaissance d'aucun nouvel être, mais que nous voulons seulement ramener les propositions, quelque embarrassées qu'elles soient, à ce point que l'inconnu soit trouvé égal à quelque chose de connu. Il est certain que toutes les différences de proportion qui existent dans d'autres sujets peuvent se trouver aussi entre deux ou plusieurs étendues. Et conséquemment, il suffit à notre dessein de considérer dans l'étendue elle-même tous les éléments qui peuvent aider à exposer la différence des proportions, éléments qui se présentent seulement au nombre de trois, la dimension, l'unité, la figure. Par dimension, nous n'entendons rien autre chose que le mode et la manière selon laquelle un objet quelconque est considéré comme mesurable, de sorte que non seulement la longueur, la largeur et la profondeur sont des dimensions des corps, mais encore la pesanteur et la dimension selon laquelle les objets sont pesés, la vitesse, la dimension du mouvement, et ainsi des autres. La division elle-même en plusieurs parties égales, qu'elle soit ou réelle ou intellectuelle, est proprement la dimension selon laquelle nous comptons les choses. Et ce mode, qui fait le nombre, est à proprement parler une espèce de dimension, quoiqu'il y ait quelque diversité dans la signification du mot. En effet, si nous considérons les parties par rapport au tout, on dit que nous comptons. Si au contraire nous considérons le tout en tant que divisé en parties, nous le mesurons. Par exemple, nous mesurons les siècles par les années, les jours, les heures, les moments. Si au contraire nous comptons les moments, les jours, les années, nous finirons par compléter les siècles. Il résulte de là que dans un même objet, il peut y avoir des dimensions diverses à l'infini, qu'elles n'ajoutent absolument rien aux choses qui les possèdent, mais qu'on doit les entendre de la même façon, soit qu'elles aient un fondement réel dans les objets eux-mêmes, soit qu'elles aient été inventées arbitrairement par notre esprit. En effet, c'est quelque chose de réel que la pesanteur d'un corps, la vitesse du mouvement, ou la division du siècle en années et en jours, mais il n'en est pas de même de la division du jour en heures et en moments. Cependant, toutes ces choses sont égales si on les considère seulement sous le rapport de la dimension, ainsi qu'il faut le faire ici et dans les mathématiques. En effet, il appartient plutôt à la physique d'examiner si le fondement de ces divisions est réel ou ne l'est pas. Cette considération répand un grand jour sur la géométrie, parce que dans cette science, presque tous concevront mal à propos trois espèces de quantités, la ligne, la surface et le corps. Nous avons rapporté plus haut que la ligne et la surface ne tombaient pas sous la conception, comme véritablement distinctes du corps, ou l'une de l'autre. Si au contraire on les considère simplement en tant qu'abstraites par l'intelligence, il n'y a pas plus de diverses espèces de quantités qu'être animé et vivant ne sont dans l'homme diverses espèces de substances. Il faut remarquer en passant que les trois dimensions des corps, la longueur, la largeur et la profondeur, ne diffèrent que de nom l'une de l'autre. En effet, rien n'empêche dans un solide donné de prendre l'une quelconque des trois étendues, pour la longueur, l'autre pour la largeur, etc. Et quoique ces trois choses seulement aient un fondement réel dans tout objet étendu, en tant qu'étendu, cependant, nous ne nous en occupons pas plus ici que de tant d'autres, qui, ou sont des fictions de l'intelligence, ou ont d'autres fondements dans les choses. Ainsi, dans un triangle, quand on veut le mesurer exactement, trois choses sont à connaître du côté de l'objet. C'est à savoir les trois côtés, ou deux côtés et un angle, ou deux angles et l'air, etc. De même, dans un trapèze, il faut cinq données, six dans un tétraède, etc. Tout cela peut s'appeler des dimensions. Mais pour choisir ici celle qui aide le plus notre imagination, il ne faut jamais embrasser plus d'une ou deux de celles qui sont dans notre imagination, quand même nous verrions que dans la proposition qui nous occupe, il en existe plusieurs autres. L'art, en effet, consiste à les diviser le plus possible et à diriger son attention sur un petit nombre à la fois, mais cependant successivement sur toutes. L'unité est cette nature commune à laquelle doivent participer également, ainsi que je l'ai dit plus haut, toutes les choses qu'on compare entre elles. Et si dans la question, il n'y a pas déjà d'unité déterminée, on peut prendre à sa place soit une des grandeurs déjà données, soit une autre quelconque. Ce sera la mesure de toutes les autres. Dans cette unité, nous mettons autant de dimensions que dans les extrêmes, qui devront être comparées entre eux. Nous la concevons alors ou simplement comme quelque chose d'étendu, abstraction faite de toute autre chose, et alors elle sera identique au point des géomètres lorsqu'ils composent la ligne par son mouvement, ou comme une ligne, ou comme le carré. Quant aux figures, il a été montré plus haut comment c'est par elles seules qu'on peut se former des idées de toute chose. Il reste à avertir en ce lieu que, dans la diversité de leurs innombrables espèces, nous ne nous servirons ici que de celles qui expriment le plus facilement toutes les différences des rapports ou proportions. Or, il n'est que deux choses que l'on compare entre elles, les quantités et les grandeurs. Nous avons ainsi deux espèces de figures propres à nous les représenter. Ainsi les points, disposés en triangle, qui désignent un nombre de triangles ou un arbre généalogique. Par exemple, en haut Pater, à gauche Filius et à droite Filis, sont des figures pour représenter des quantités. Celles au contraire, qui sont continues et indivisées comme un triangle, un carré, expriment des grandeurs. Maintenant, pour montrer quels sont dans tout cela les principes dont nous ferons usage, il faut savoir que tous les rapports qui peuvent exister entre les êtres d'un même genre se réduisent à deux, l'ordre et la mesure. On doit savoir en outre qu'il ne faut pas peu d'art pour trouver l'ordre, ainsi qu'on peut le voir dans cette méthode, qui n'enseigne presque rien autre chose. Quant à connaître l'ordre une fois qu'on l'a trouvé, il n'y a là aucune difficulté. Nous pouvons très facilement, d'après la règle 7, porter notre esprit sur chacune des parties ordonnées, parce que dans ce genre de rapport, les uns se réfèrent aux autres par eux-mêmes, et non par l'intermédiaire d'un troisième. Comme cela a lieu dans les mesures, dont pour ce motif nous nous occupons exclusivement ici. Je reconnais en effet que l'ordre existe entre A et B, sans rien considérer autre chose que les deux extrêmes. Mais je ne reconnais pas quelle est la proportion de grandeur entre 2 et 3, si je ne considère un troisième terme, savoir l'unité, qui est la mesure commune de l'une et de l'autre. De plus, il faut savoir que les grandeurs continues peuvent, à l'aide de l'unité supposée, être quelquefois ramenées toutes à la pluralité, et toujours au moins en partie, et que la multitude des unités peut être disposée de telle sorte que la difficulté qui appartient à la connaissance de la mesure dépend seulement de l'inspection de l'ordre, progrès dans lequel l'art est d'un grand secours. Il faut savoir enfin que parmi les dimensions d'une grandeur continue, on n'en conçoit aucune plus distinctement que la longueur et la largeur, qu'il ne faut pas faire attention à plusieurs à la fois dans la même figure, mais à deux seulement, qui soient diverses entre elles, parce que si l'on en a à comparer ensemble plus que deux, qui ne se ressemblent pas, l'art veut qu'on les parcourt successivement, et qu'on n'en observe que deux à la fois. Cela posé, on en conclut facilement qu'il faut abstraire les proportions des figures eux-mêmes, dont s'occupent les géomètres, lorsqu'il en est question aussi bien que de toute autre matière. Pour cela, il ne faut garder que des superficies rectangulaires et rectilignes, et des lignes droites, que nous appelons aussi figures, parce qu'elles ne nous servent pas moins que les surfaces à représenter un sujet véritablement étendu, comme je l'ai déjà dit. Enfin, par ces lignes, il faut représenter tantôt des grandeurs continues, tantôt la pluralité et le nombre, et l'industrie humaine ne peut rien trouver de plus simple pour exposer toutes les différences des rapports.